Micro ouvert. Aujourd'hui, on vit une époque un peu spéciale. On vit sous la menace. Moi, je sais qu'il y a, depuis quelque temps, il y a un groupe là qui s'appelle Boko Haram. C'est à cause de gens pareils que moi, je suis devenu écrivain. Parce que beaucoup, tout le monde, les Occidentaux, nous racontent que ouais, ça veut dire ceux qui sont contre la civilisation occidentale. Ça ne veut pas dire ça. Boko, en lingala, on dit beaucoup. En flamand, on dit book. Ça veut dire le livre est un péché, est interdit. Alors moi, je me revendique aujourd'hui, je suis très fier d'être ici parce qu'aujourd'hui, c'est la culture et la parole qui s'est réunie pour combattre la barbarie et combattre l'obscurantisme afin que les peuples aillent de plus en plus haut, qu'ils puissent atteindre leurs rêves. Et je vais quand même vous... Parce que j'ai vu beaucoup d'âmes ici. Moi, j'écris. J'écris, c'est-à-dire, c'est vouloir mettre en lumière certaines choses. Et un texte que j'ai pris qui s'appelle Bonobi le singe. Il est long, mais je vais vous dire un tout petit, quelques secondes de ce texte. L'histoire de Bonobi le singe, c'est l'histoire d'un... Et puis après, je vous parlerai aussi de congolisation, pourquoi c'est important d'être congolisé. Parce que le fait d'être congolisé, on peut voir les choses de différentes façons. Hein? Il ameuta ses congénères, les facochères, fit appel aux hyènes et d'autres animaux féroces et puants. Devant eux, il accusa les singes de tous les maux, il leur donna des noms d'oiseaux malgré les vautours présents qui ne furent nullement offusqués. Il harangua la foule qui, derrière leur truc en truc, balançait la tête en signe de ralliement, Qui aime la haine ? Demanda-t-il. Nous, qui aime la haine ? Nous, qui ? Je m'arrête là. Cette histoire, vous avez, il y a beaucoup de violence, beaucoup de mauvaises choses. C'est l'histoire de... C'est l'histoire de Bonobi le singe, un singe bonobo. Il y a la violence et la haine qui est rentrée dans la forêt. Et lui, Bonobi le singe, en tant que bonobo, vient mettre la paix. Et là, c'est le type qui fait le discours, il s'appelle Fako la Teigne. C'est lui qui met la haine. C'est une histoire pour enfants. J'ai d'abord commencé à écrire des livres pour enfants, j'ai commencé à écrire des contes. C'est une bête histoire pour enfants. Mais voilà, j'avais vu des conflits, quelque part, je travaille avec des gosses, et cette histoire m'est venue. Elle n'est pas encore éditée, je cherche un illustrateur ou une illustratrice. Mais l'histoire est là. J'ai déjà écrit des livres pour enfants, mais voilà. Mais cette histoire, pourquoi la congolisation est importante? Parce qu'elle m'a permis cette histoire. Le bonobo ne vit qu'au Congo. On le trouve nulle part. On ne le trouve nulle part ailleurs. Mais le bonobo a quelque chose de particulier, enfin de pas particulier, c'est que le bonobo ressemble au chimpanzé. Le bonobo est un peu plus petit. On l'appelle d'ailleurs le chimpanzé. Non, il est un peu plus petit que le chimpanzé. Quand vous qui ne connaissez pas les singes, vous voyez des singes à la télévision, vous les voyez sautant sur toutes les branches, ça crie, ça bouge beaucoup, vous dites « Oh, ils sont mignons, ils jouent ». C'est pas vrai, ils jouent pas. C'est de la vieille. Ils jouent pas. On les entend crier. Ouais. Ah, ils sont gentils. Non, ils sont pas gentils. C'est de la violence, tout ça. Ils se tapent dessus. Ils se crient dessus. C'est beaucoup de violence. Le bonobo, il vit. C'est le même animal. Mais quand vous voyez chez les bonobos, quand vous voyez une scène avec des bonobos, vous voyez quoi? Des bonobos qui se donnent des bisous. Et plus, il y a affinité. Mais ils passent leur journée à ça, quoi. Mais quelle est la différence entre le bonobo et le singe? Et le chimpanzé, pardon. C'est-à-dire, la seule différence, c'est l'habitat. Là où le bonobo habite, il n'y a pas de concurrence. Là où le chimpanzé habite, il y a la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui vont manger les fruits qui sont ici. Qui vont manger au premier étage. Et le chimpanzé est obligé de grimper dans l'arbre de plus en plus haut. Il est obligé de monter de plus en plus haut pour pouvoir manger. Ça dit que pour écrire un conte, il faut savoir exactement l'habitat, le mode de vie, le mode de reproduction de chaque animal si on vous raconte des conneries. Et moi, en écrivant des contes pour enfants, j'ai étudié l'habitat animal, la façon de vivre des animaux, j'ai vu ceux de nous les humains et ils m'ont appris beaucoup. D'abord, le singe, il reste à jamais plus de 2-3 jours au même endroit parce qu'il sait qu'il détruit tout. Alors, pour l'écologie, il détruit 2-3 jours, il repart pour que ce qui est derrière se reconstitue. Ça, c'est ce que le singe fait déjà. Mais quand il est là, il détruit tout. Donc, il est obligé de monter de plus en plus haut pour trouver à manger. Mais la femelle, qu'est-ce qui se passe? La femelle, elle a son bébé. Elle a son bébé dans la main droite. Elle cède avec un seul bras. Elle monte. Et puis quand elle arrive en haut, il y a un mâle qui vient. Et coup de poing, elle redescend 3-4 étages. Donc vous voyez que dans un contexte où la vie est difficile, comme le nôtre aujourd'hui, c'est la femme et les jeunes qui vont payer les premiers. Ça, c'est clair. La femme et les jeunes. C'est clair. C'est comme ça. Chez le bonobo, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de concurrence. Ils mangent au premier étage, au deuxième, au troisième, ils montent. Résultat, chez eux, ce n'est pas la loi du plus fort qui règne. Chez les chimpanzés, c'est la loi du plus fort. Celui qui est plus fort mange, celui qui est faible, il reste en dessous. Chez le bonobo, il n'y a pas ça. Résultat aussi, chez le chimpanzé, c'est le mâle qui règne. Chez le bonobo, c'est la femelle. Merci. Française et ma mère en perpétuel conflit d'ailleurs, parce que c'était deux mondes. Ma mère, c'est l'Algérie, en pieds nus à la maison avec une longue robe, parlant une autre langue et nous dans une autre langue. Ça peut pas faire de mal. L'institutrice en talon haut, 20e siècle, pays dominateur, prestigieux, la France, c'était vraiment le monde supérieur, si on veut, mais un monde encore lointain. Donc je me rapprochais peu à peu, et au détriment du premier, forcément, parce que celui que je préférais, c'était le monde de ma mère, mais plus l'école m'intéressait, et plus fatalement je me détachais de ma mère. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal. Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs, me revoici au fossé où naquit ma misère. Toi, mon vieux guignon, je te rapporte un peu de cœur. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, mes vieux copains. Je vous reviens avec ma gueule de paladin solitaire et je sais que ce soir monteront des chants infernaux. Bonjour, toutes mes choses. Bonjour, mes horizons lourds, mes vieilles vaches de chimère. Ainsi fleurit l'espoir. Bonjour, mes poèmes sans raison. Ce poème est l'œuvre d'un jeune homme de 15 ans, né en 1929 à Constantine en Algérie, Kateb Yassine. C'est un Kebloute. Sa famille est issue d'une lignée berbère installée près de Nador, dans l'est du pays. Très tôt, il est témoin de la colonisation de sa terre natale et en subit les conséquences. Kateb Yassine doit notamment apprendre le français, première déchirure mais aussi premier combat de sa vie. Il aura cette phrase « J'écris en français mieux que les Français » pour dire que je ne suis pas français. Pour lui, aucun doute, l'écriture est une lutte et le poète un boxeur. Armé de cette nouvelle langue, il va dire ce qu'est vraiment l'Orient sans jamais tomber dans l'idéologie. L'exil, la misère, la liberté, l'amour... Son œuvre tremblante et fragmentaire traverse tous les maux de l'histoire algérienne. Et je vous propose ce soir de la découvrir. De ses poèmes de jeunesse à son amour du théâtre, en passant par son immense roman « Nejma » et son engagement pour une Algérie libre, retour sur une parole atypique qui a voulu chanter l'allégresse des hommes. Kateb Yassine a une enfance heureuse. Il n'a cessé d'évoquer dans ses livres cette grande époque de sa vie où sa mère l'entourait d'amour et lui lisait chaque soir un livre. Inscrit à l'école coranique, le futur poète rejoint vite l'école Lafayette, à la demande de son père qui souhaite que son fils apprenne le français. « Laisse l'arabe pour l'instant, lui dit-il. La langue française domine, il te faudra la dominer. » Alors il travaille sa grammaire et commence à y prendre goût. Il se passionne pour 1789 et les grands poètes du 19e siècle, Nerval, Baudelaire et surtout Lautréamont. Katabiassine grandit et les temps deviennent incertains. L'adolescent se désole de la capitulation française en 1940. Sa conscience politique s'affine et sa vie bascule le 8 mai 1945, une année qu'il désignera comme terrible. À 15 ans, il est élève en internat à Sétif, à 300 km d'Alger, au sud de Constantine, et veut participer aux manifestations pacifiques qui ont lieu pour célébrer la fin de la guerre. En tête de cortège marchent des milliers d'Algériens. Soudain, un jeune homme brandit un drapeau du pays, et autour de lui retentissent des slogans réclamant l'indépendance. Ses gestes sont perçus comme une provocation de la part de la police coloniale qui reçoit l'ordre de tirer dans la foule. Il y aura plusieurs milliers de morts. Voici le récit que fait Katabiassine de cet épisode fondateur qui a infléchi sa vie à jamais. Ce jour-là, c'était la fête, la victoire contre le nazisme. On a entendu sonner les cloches et les internes ont été autorisés à sortir. Tout à coup, j'ai vu arriver un immense cortège. C'était mardi, jour de marché. Il y avait beaucoup de monde et même des paysans qui défilaient avec leurs vaches. À la tête du cortège, il y avait des scouts et des camarades du collège qui m'ont fait signe et je les ai rejoints sans savoir ce que je faisais. Immédiatement, ce fut la fusillade, suivie d'une cohue extraordinaire. La foule refluant et cherchant le salut dans la fuite. Une petite fille fut écrasée dans la panique. Ne sachant où aller, je suis entré chez un libraire. Je l'ai trouvé gisant dans une mare de sang. Un ami de mon père qui passait par là me fit entrer dans un hôtel plein d'officiers qui déversaient des flots de propos racistes. Il y avait là mon professeur de dessin, une vieille demoiselle assez gentille, mais comme je chahutais dans sa classe, ayant parlé une fois de faire la révolution comme vous les Français en 1789, elle me cria « Eh bien, Kateb, la voilà votre révolution, vous êtes content ?» J'ai filé sans répondre. Il y avait partout des soldats en position de tir. Plus question de retourner au collège. Mon père étant gravement malade, j'ai décidé de le rejoindre dans le village de Bouga, à 45 km de Sétif. Les gens arrivaient de partout. Les rumeurs les plus folles couraient. Certains disaient que les Turcs avaient débarqué, d'autres qu'on avait pris à Alger. Jamais je n'avais vu autant de monde. À l'arrivée du car se trouvaient mes amis de l'école française. « Ça y est, leur ai-je dit. Le peuple s'est soulevé. » Je ne savais même plus à qui je parlais. Dans la nuit, on a entendu des coups de feu. La folle du village a été tuée près de l'église et dès le lendemain, on a vu arriver les tirailleurs sénégalais. Le 13 mai au matin, j'ai été arrêté par des inspecteurs qui m'ont conduit à la prison de la gendarmerie. Et là, j'ai commencé à comprendre les gens qui étaient avec moi, les gens du peuple. Autour de la prison, on entendait les coups de feu, les exécutions sommaires avaient lieu en plein jour. Devant la mort, on se comprend, on se parle plus et mieux. Quelques jours après, nous avons été transférés à la prison de Sétif, puis au camp de concentration, un immense terrain vague entouré de barbelés, où je suis resté plusieurs mois. C'est la première fois que j'ai découvert mon peuple, que j'ai compris ce qu'il était en train d'endurer. Katabiassine a vu la violence des hommes se déchaîner et ne pourra jamais l'oublier. Après son séjour en prison, il sombre dans la mélancolie. Comment vivre? Comment espérer après avoir vu l'horreur? Il reste enfermé des journées entières dans sa chambre et commence à écrire sur des carnets. Un matin, après avoir erré toute la nuit, il entre dans un bar, s'installe au comptoir et commande un verre de vin. À côté de lui, un homme engage la conversation. Katabiassine explique qu'il est étudiant, mais que les cours ne l'intéressent pas. Ce qu'il veut, lui, c'est écrire. Coup de chance, l'homme en face de lui est imprimeur et accepte de lire ses manuscrits. Katabiassine lui donne à lire plusieurs de ses poèmes, sa vie rassemblée en poussière. Les textes plaisent et ils sont imprimés quelques semaines plus tard. Le recueil a pour titre « Soliloque » et il est publié à 1000 exemplaires. Katabiassine n'en revient pas, il est entré en littérature. Deuxième partie du Parti des indigènes de la République, Qu'est-ce que c'est un petit peu le parti des indigènes de la République? On en sait un peu plus avec sa représentante, sa porte-parole, Madame Ouria Boutelja, qui était venue faire une conférence sur la sortie de son livre « Les Blancs, les Juifs et nous » vers une politique de l'amour révolutionnaire. Elle était venue au Piano Fabrique. Et donc, on entend dans la première partie développer son livre par l'intermédiaire de Mourad qui a lu le bouquin et qui pose des questions sur le bouquin. Et la seconde partie, c'est maintenant, et c'est le public qu'on ne voit pas, qui va poser ces questions. Vous dire aussi que si jamais vous avez envie d'écouter la première partie parce que vous n'y comprenez rien, c'est toujours intéressant hein, d'entendre l'entièreté de quelque chose. Vous savez, la chose dans son entier, quoi, pour bien juger, eh bien, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle microouvert.be. Donc oui, les deux os se touchent, hein, microouvert.be. Et vous trouverez la première partie. Maintenant, on s'écoute la deuxième partie, c'est la dernière. Et peut-être rajouter, eh bien oui, que moi, le Parti des indigènes de la République, je ne le connais pas depuis longtemps, mais j'aime assez bien l'idée de ne pas se laisser faire, de ne pas être soumis, de... Vous savez, surtout les gens qui viennent de là-bas, qui n'ont pas les papiers, qui n'ont pas la couleur de peau, alors du coup, ils se sentent, vous voyez, comme s'ils étaient inférieurs. Mais non ! Mais non ! Et j'aime bien le Parti des indigènes de la République qui aurait une tendance comme ça à se prendre en main et à dire, mais non, enfin voilà, il y a un truc comme ça que j'aime bien là-dedans. Après, à voir la suite. Bonjour Ouria, on s'est déjà vu tout à l'heure, mais rebonjour, bonjour Mourad. Bon d'abord merci pour le livre, de toute façon, je n'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Mais moi j'ai deux questions un peu d'actualité, une plutôt politique et l'autre sur ces fameux ponts, ces fameuses jonctions dont par exemple le mouvement de Nuit Debout parle sans arrêt. Alors la première question c'est... au départ, les indigènes, c'était un mouvement, c'est devenu un parti, donc le PIR, Parti des indigènes de la République. Et je voulais savoir si, finalement, tu pouvais faire un sort aujourd'hui au fait que vous n'êtes pas un satellite de l'extrême-gauche. Parce que c'est souvent la critique qui revient en France comme ici, c'est finalement du fait que le mouvement s'est transformé en parti, et surtout à cette époque où il y a une grande défiance vis-à-vis des partis. Est-ce que finalement le PIR peut être vraiment indépendant dans son discours et dans tout ce que tu viens d'expliquer aujourd'hui? Donc ça c'est ma première question. Et la seconde, dernièrement il y a eu un texte qui est paru sur internet de René Monza qui était titré « Est-ce que la gauche peut-elle dire nous avec Ouria Boutelja ?» Et donc c'est une... Bon, je résume la lettre, c'est une main tendue on va dire à... Justement, arrêtez de vous diaboliser et plutôt essayer de construire un pont et une jonction. C'est un ancien militant de Ralph Front contre l'extrême droite et plutôt classé à gauche radicale. Et voilà, je voulais savoir ce que tu pensais de ce texte, si tu y avais déjà répondu ou si vous comptiez y répondre au nom du PIR. Merci. Alors bonjour à tous, moi c'est Saadi. Ceux qui me connaissent grincent des dents à l'idée que je puisse prendre la parole devant vous. Je vais essayer d'être le plus gentil possible parce que il est vrai que je ne suis pas très... comme ça. Je ne suis pas très au fait de... comment dire, ce que vous écrivez. J'ai lu votre bouquin le plus objectivement possible. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dangerosité de votre propos. De vos propos, pardon. Parce que je me suis dit pourquoi j'ai une animosité envers Ouria Boutelja. Est-ce que c'est parce que je ne l'aime pas et de fait, je suis un salaud parce que je n'ai pas d'argument pour. Et finalement, en vous lisant, j'ai compris pourquoi. Pas parce que je ne vous aimais pas. Pourquoi vos propos me semblent dangereux et pourquoi je me réjouis aujourd'hui de voir qu'il n'y a pas énormément de monde venu écouter vos propos et que je crains qu'ils puissent faire tache d'huile. Je m'explique. Le jeune de cité que je suis, qui revient de France il y a deux jours, ça a attiré la Kalachnikov dans mon quartier. Et si je devais répondre à Sarkozy avec la France, tu l'aimes ou tu la quittes, moi je lui répondrais la France, je l'aime ou je l'améliore. je me sens français pleinement. J'ai pas dans ma rhétorique ce « eux » et ce « nous » qui vous caractérise. Je n'ai pas ces mots tels que le péché, les mécréants, les indigènes, les blancs, les noirs. Je me refuse à utiliser ces mots-là. Je ne vais pas vous faire la leçon en la matière. Ce qui me dérange, et je vais venir au fait, c'est deux choses. Excusez-moi, j'ai l'émotion peut-être. La première des choses, c'est que dans votre rhétorique, on peut retrouver presque symétriquement, même mot pour mot, la rhétorique utilisée par Daesh. Oui, j'ose le mot, Daesh. D'abord, dans le délire islamophobie, victimisation, je connais deux personnes qui doivent se retourner dans leur tombe. Le premier, c'est le sultan Bouabdil, qui a perdu Grenade. Et lorsqu'il s'est exilé avec sa femme lui a dit « Pleure maintenant comme un homme, les mots valent ce qu'ils valent, mais pleure maintenant comme un homme, ce que tu n'as pas su tenir. » Non, pleure comme une femme, ce que tu n'as pas su tenir comme un homme. Et vous allez nous dire « Oh mais non, mais Grenade, ils l'ont perdu parce qu'il n'y avait pas de colonisabilité. Ils ont été, c'est le méchant impérialiste occidental qui est venu leur ôter le califat des mains. Donc ils n'étaient pas du tout colonisables. » Excuse-moi, je vais faire Daesh. Deuxième des choses. La question, c'est quoi ? Je sais. Parce qu'on n'a pas que ça. Ok. Je m'attendais à énerver du monde, des huées, des coups, pourquoi pas, je m'en tape. Je sais me défendre. Je sais très bien me défendre, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Non, non, mais il a posé deux questions en moins de 3 minutes. Qui fasse le temps. Il n'y a pas d'animosité. Alors, une question, s'il te plaît. Là, tu peux l'exposer. Deuxième personne. Oui, parce que je n'ai pas de questions à poser au Rudy Petacha. C'est une remarque que je vais faire. Il y a peu de monde qui est venu. Il y aura pour moi de monde qui serait venu à ton exposé. D'accord. Moi, j'ai rien qu'à t'entendre, j'ai envie de me barrer. Là. J'aurais déjà terminé si vous ne m'avez pas interrompu, madame. Merci. Pose une question, sinon il y a de un exposé. Très bien. La deuxième personne qui se retourne dans sa tombe, c'est l'émir Abdelkader, ouais, qui a fait la guerre d'Algérie contrairement à vous et qui se réclame de la guerre d'Algérie et qui, en visitant Notre-Dame de Paris, dit « La bénédiction de Dieu est avec ce pays que vous haïssez, que vous traitez de blanc, toute personne qui vous tient à la contradiction, je peux être un blanc à vos yeux, ce qui me fait glousser. » Et donc voilà, première des choses, c'est la victimisation. Vous osez vous réclamer de 1492 et de la guerre d'Algérie. Et la deuxième des choses, c'est un passé mythique dont vous vous réclamez, qui ne serait autre que le califat islamique. Donc s'il vous plaît, moi j'ai juste envie de vous dire une chose, taisez-vous et arrêtez de parler d'islam. Merci. Super, il n'y a pas de question, donc... T'as bien fini. Deux questions, victimisation et historicité. Non, il n'a pas posé de question, il a fait un petit speech à la cour. Non, voilà, c'est bon, voilà, c'est bon. Allez, on continue, on se calme, on continue. Là, c'est bon, deux questions. C'est bon ? Hein ? Non, non. Bah, il y a peut-être une vraie question, parce que là, elle n'était pas claire. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé votre livre. Moi, j'ai une question, c'est quand vous dites c'est pas parce que vous êtes né blanc que vous êtes obligé de le rester. Et c'est très difficile de ne pas être blanc quand on est blanc. C'est ça que... En fait, si vous pouvez juste clarifier ça, c'est tout. Alors, vous êtes né blanche au sens politique du terme, au sens où vous appartenez à cette catégorie, mais en même temps, on peut s'en libérer aussi de manière politique, c'est-à-dire s'engager dans une lutte décoloniale. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'on refuse de rester dominant, et donc on lutte pour la libération à la fois de vous-même, de cette catégorie, de cette qui vous en sert dans la relation raciale, à condition évidemment que votre projet et votre utopie soient l'égale dignité de tous les humains sur Terre. Donc, voilà, donc ça veut dire que c'est de votre part un engagement politique qui vous déblanchira, c'est tout. C'est pas compliqué. Ensuite, il y avait, je vais répondre au monsieur tout à l'heure, mais là, puisque les questions sont plus concrètes, celle d'Olivier. La première, c'était comment on peut se défaire de l'image qu'on est d'extrême gauche, c'est ça ? Ou qu'on est un satellite d'extrême gauche. Alors ça, déjà, il n'y a que l'extrême gauche qui sait qu'on n'est pas un satellite d'extrême gauche. Toute l'extrême gauche pense qu'on est tous sauf un satellite d'extrême gauche. Donc cette vision qu'on est un satellite d'extrême gauche, elle vient de ceux qui ne sont pas organisés la plupart du temps, qui sont à l'extérieur des organisations et qui nous voient et qui nous pensent ou qui nous observent. Effectivement, sur le terrain, on est avec l'extrême gauche. C'est un fait. Alors, d'une part, on n'a aucune raison d'en avoir honte dans la mesure où nous disons depuis le départ que la gauche est, parce qu'elle est notre partenaire privilégié, elle est notre adversaire premier. Donc, cette alliance sur le terrain, elle est tout à fait logique. Dans la mesure où on rencontre sur le terrain ceux qui nous suivent sur les revendications qui sont les nôtres. Lorsqu'on fait une manifestation contre les crimes policiers, j'ai jamais vu des gens de droite venir nous rejoindre. Lorsqu'on manifeste pour Gaza, j'ai toujours vu des gens de gauche venir nous rejoindre. Contre l'islamophobie, bien que minoritaire, ça reste toujours des éléments d'extrême gauche qui viennent nous rejoindre. Donc, nos alliés, ce n'est pas ceux qu'on choisit arbitrairement, c'est ceux qui nous rejoignent dans notre lutte. Et c'est effectivement la gauche radicale. Mais la gauche radicale, c'est pas forcément que les trotskistes ou les marxistes-léninistes. Ça peut être les anars, ça peut être les communistes, ça peut être les verts. Nos alliés sont tous ceux qu'on retrouve sur notre terrain. C'est une alliance qui reste très informelle parce qu'il s'agit toujours de minoritaires à l'intérieur de leurs organisations. Donc non, on ne peut pas être un satellite de la gauche puisque on ne se situe pas dans le champ politique blanc puisque la gauche se situe dans le champ politique blanc et que nous on refuse cette appartenance. On est sur un clivage qu'on assume et qu'on dit. On peut pas être plus clair que ça. On est dans le clivage racial et colonial qui peut rejoindre une partie de la gauche radicale de temps en temps, mais qui fondamentalement n'est pas le même clivage. On n'est pas dans le champ politique blanc. On est en rupture avec ce champ-là. On est dans un rapport très critique par rapport à ce champ politique blanc et on espère simplement amener à nous une partie de ce champ. Alors pourquoi faut-il les amener à nous? Parce qu'on pourrait croire que ce n'est pas non plus une nécessité. Bah, la nécessité, elle vient des rapports de force. Il faut nécessairement dans la lutte politique des alliés. Et les alliés, bah, c'est ceux qu'on retrouve sur notre... C'est avec eux qu'on peut espérer créer ce que nous on appelle une majorité décoloniale. C'est-à-dire que si démographiquement on est minoritaire, je ne vois pas comment c'est possible. Voilà. Et l'autre question, c'était celle de Monza, c'était le texte de René Monza. Eh bien, René Monza traduit pour la gauche la nécessité de penser le nous décolonial. J'en pense le plus grand bien. Je pense plus du bien du texte de René Monza que de Thomas Guénolé. Hein? Ah ben ça prouve que les choses avancent et moi je trouve que je le vois effectivement d'un œil très positif. J'ajoute que je trouve que il y en a eu peu. Il y a eu très peu de réactions. Ça c'est une réaction que je trouve intéressante. Elle est politique. Elle s'adresse à la gauche radicale, elle ne s'adresse pas aux indigènes, donc elle exprime une partie de ce que je dis ici, mais traduit dans un vocabulaire blanc. Bon, c'est très bien. Ben, c'est très bien. Non, il n'y a pas de... J'y vois aucun problème. Quant au jeune homme qui est intervenu tout à l'heure, il a raison de dire qu'on ne peut pas se rencontrer, puisque lui, c'est un humaniste, et que je ne suis pas une humaniste, donc je n'ai rien à ajouter à cela. Non, je ne suis pas une... Non, mais j'ai rien à dire de plus, si ce n'est qu'on n'est pas dans le même champ. Il y a les humanistes abstraits, et puis il y a les... Peut-être que... Je pense que mon projet, le projet des indigènes de la République, a une finalité fraternelle, de rencontre et d'amour révolutionnaire, mais qu'on n'est pas assez naïf pour croire qu'on peut se marier avec tout le monde et n'importe qui, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à la fraternité, à un postulat de la fraternité dès le départ. On pense qu'il faut construire la fraternité. Et pour ce faire, on pense qu'il faut faire tout ce qu'on a dit, qu'on s'organise. On ne peut pas rencontrer dans notre projet des humanistes tels que monsieur, et je lui souhaite bonne chance en tant qu'arabo-musulman pour vivre dignement dans ce monde blanc. Je lui souhaite bonne chance. L'historicité, c'est-à-dire 1492, pour nous, c'est le point de départ de la modernité occidentale. Voilà, donc c'est dans cette filiation que nous, on se reconnaît, le point de départ de la modernité occidentale, qui a été l'expansion impérialiste, les premiers génocides, ce qui ont permis le développement de l'Europe, qui elle-même a pu ensuite coloniser le reste du monde, asservir l'humanité, et aujourd'hui on est dans une situation que nous on appelle la contre-révolution coloniale, celle qui a suivi les indépendances et qui s'exprime par un redéploiement des forces impérialistes comme on le voit aujourd'hui en Irak et dans le monde arabe de manière générale et une grande partie de l'Afrique. Voilà. Bonjour, moi c'est juste une information parce que je, personnellement ça m'a fait très plaisir, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup, beaucoup de monde. C'est qu'Isabelle Stengers a souhaité s'entretenir avec Ouria Boutelja et qu'elle le fera au mois de juin dans un espace qui s'appelle Mille Plateaux. Et quand on pense qu'il y a des listes extrêmement longues de gens extrêmement connus dans le monde qui envoient des mails de l'Eschkar à Isabelle Stengers pour gratter quelque chose, moi je me souviens avoir dit à Ouria qu'Isabelle suivait son travail déjà depuis longtemps. Et Ouria m'a dit, ben moi, je ne connais pas Isabelle Stengers. Bon, ce que j'ai pu dire à Isabelle, donc ce n'est certainement pas parce qu'Ouria essaye de flatter notre philosophe, notre meilleur philosophe national francophone. Et donc, j'insiste là-dessus parce que ce que disait Ouria, c'est-à-dire qu'il y a des ponts qui se créent. Oui, il y a des choses qui changent. Et je voulais juste faire cette remarque après le décryptage avec Maboula Souamoran. Elle dit plus jamais je n'accepterai qu'on traite de communautaristes des gens qui se rassemblent par affinité, et que quand des blancs se rassemblent, on ne les traite jamais de communautaristes. J'en ai marre de cette hypocrisie. Donc, ce livre, les effets du livre, etc., ont un titre personnel. Je considère qu'il y a un avant et un après ce livre d'Ouria. Mais je pense que vraiment la mayonnaise prend. Il y a des choses qui sont acquises, on le sentait dans la manière dont tu. Et qui ne seront plus jamais possibles. Donc encore, je réitère cet immense merci. Je suis aussi sensible à quelqu'un comme Mossab qui est terrorisé à l'idée des dégâts qu'il imagine dès lors qu'il y a une dignité affirmée. Et ces choses-là s'apprennent. Ces choses-là s'apprennent. Et je suis sûre qu'à un moment, il va comprendre. C'est-à-dire que Je vois quel a été son choix aussi, enfin certains choix, et il y a des gens qui vont comprendre que nègre de maison n'est pas un destin obligatoire. Donc peut-être il ne faut pas trop de mépris par rapport à ceux qui ont peur et penser qu'à un moment ils vont rejoindre. Ma première question, parce qu'on a l'impression que, avant de vous lire, que pour s'émanciper dans cette société, c'était de devenir blanc, c'était l'idéal à atteindre. Grosso modo, donc se libérer de son carcan et de son passé d'indigène, l'idéal atteint, c'est devenir un citoyen affirmé, un citoyen complet, c'est de devenir en quelque sorte un blanc. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport au début du féminisme arabe. Et si vous le citez, donc vous le situez plus ou moins vers 1900-1930, et vous dites qu'en fait, les premiers féministes arabes, c'est ça, hein, grosso modo, surtout en Égypte et en Tunisie, vous dites que ce sont surtout des hommes qui se battent pour le féminisme, et alors que s'ils le font, c'est uniquement pour ressembler aux blancs. Comme quoi. Alors comment est-ce que l'indigène qui voudrait être féministe pourrait combattre dans la lutte féministe sans ressembler aux blancs? C'est ça un petit peu ma question. Je ne sais pas si elle est claire. Voilà, ça c'était mes deux questions. Merci en tout cas. Bonjour Houria. Bonjour Mohad. Déjà juste pour rassurer l'homme au chapeau, s'il était rassuré qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, je voulais juste dire que votre livre, j'ai eu énormément de mal à le trouver dans librairie à Bruxelles. Il est en rupture de stock un peu partout. Ça rassure. Ma question a trait à une actualité qui s'est passée à Londres. Un homme politique qui s'appelle Sadiq Khan, qui est élu maire de Londres. Mais tous les médias en ont parlé, mais pour dire que c'est un maire musulman. Donc voilà, on n'utilise jamais d'étiquette pour d'autres hommes politiques. Tout ce que je sais maintenant de Sadiq Khan, c'est qu'il est musulman. Et je ne sais même pas s'il est musulman. Peut-être qu'il est juste musulman de naissance. Je ne sais pas s'il est pratiquant ou pas, ou athée. Et ma question, c'est l'homme musulman. Enfin, nous les indigènes, si on veut être donc accepté dans la société occidentale actuelle, est-ce qu'il doit carrément se séparer de sa culture, non pas que musulmane, mais même culturelle, genre renier toute notre culture, tout notre passé, notre nom aussi, notre prénom? Vous avez en France Eric Zemmour qui disait que les musulmans doivent plus appeler leurs enfants Pierre, Charles que Mohamed. Et deuxième question, si par quelques moyens que ce soit, les indigènes se retrouvent donc intégrés dans la société occidentale, je veux dire, blanc par procuration, quel sera notre combat ? pour les autres qui seraient encore considérés comme indigènes? Est-ce que on va se retrouver dans un espèce de confort et on ne va plus penser aux autres ou pas? Déjà, merci pour le livre. J'ai trouvé que c'était un geste à la fois généreux et fort politiquement, notamment du fait des propositions qu'il fait. Je voudrais les redoubler d'ailleurs dans une adresse à ceux qui écoutent. Il me semble que c'est important de prendre très au sérieux ces propositions-là et de se donner les moyens de penser et formuler des réponses. De quelque obédience politique qu'on soit, je pense qu'il y a urgence à prendre au sérieux la question des coloniales. Et étant donné le climat qui a accompagné la sortie du livre, c'est aussi une occasion à ne pas négliger de faire bouger quelques lignes, voilà. Qui ont déjà bougé d'ailleurs, parce que je m'intéresse plus à vous, là du coup ça a quand même un peu, on va dire, remuer la merde, comme on dit, dans beaucoup de groupes, notamment autour de moi. Je pense que c'est aussi par le fait du ton et de la forme choisie. Beaucoup donc d'amis et d'affinités politiques qui se sont déchirés un peu autour de... à cause ou grâce à la sortie de ce livre, selon les points de vue. Et pour nous aider à affiner et à rendre fertiles ces déchirements, j'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce que vous entendez par l'internationalisme domestique? Parce que j'ai lu un peu la conclusion de Sadri Khiari, qui était la référence donnée en note de... Et j'ai pas, dans la conclusion, trouvé d'éléments qui m'aidaient à comprendre concrètement ce que c'était. Et la deuxième, à voir plus avec mes affinités politiques, avec le nœud central de ces déchirements, qui est la question révolutionnaire. Et j'aimerais savoir ce que vous entendez par révolution, dans le sens de, je pense notamment à la citation « en finir avec l'État-nation ». Est-ce que ça veut dire en finir avec l'État, avec le régime parlementaire, avec l'inscription dans la République? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'idée de sécession? Voilà, c'est un peu les... Ça m'aiderait beaucoup d'avoir des éléments de réponse. Alors, Redouane, c'était la question sur... Ah ? C'est toujours compliqué d'être dans un monde très racialisé et de reprocher à ceux qui parlent de la race de faire le jeu du Front National. En réalité, il y a deux manières de parler de la race, soit d'une manière hitlérienne, soit d'une manière décoloniale. Ceux qui en parlent d'une manière décoloniale ne peuvent pas faire le jeu du Front National. Par ailleurs, je ne dis pas avec ce bouquin que ce sont les seules catégories qui existent dans une société. Il y a plein de catégories. Il y a les pauvres, il y a les riches, il y a les prolétaires, il y a les bourgeois, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a un milliard, il y a les enfants, il y a les adultes. Je veux dire, il y a un milliard de catégories. Là, je parle de la question raciale, donc je parle donc des catégories raciales. Mais ça ne veut pas dire que je réduis toute l'humanité et toutes les analyses à cette question-là. C'est un prisme. C'est notre prisme. Maintenant, en parler, le problème, c'est qu'on est obligé à chaque fois de refaire tout le temps l'histoire. Ces questions-là ont été posées un milliard de fois aux Noirs aux États-Unis. On leur a reproché un milliard de fois de parler de la question raciale, de parler des Noirs, etc., alors que la société, elle est structurée de cette manière-là. Ça veut dire nous empêcher de dire ça, ça veut dire nous empêcher de dire la vérité, tout simplement. Et il faut dire la vérité, il faut dire les choses, il faut les analyser. Et nous, on passe par la case « analyse ». Et analyser le racisme, c'est analyser la race. Si on ne comprend pas qu'il y a des catégories raciales, eh bien on ne comprend pas comment fonctionne le racisme. Donc on est là en tant que qu'analyste. On veut appréhender une question de la manière la plus précise possible. De la manière, j'ai presque envie de dire, de la manière la plus scientifique possible. Mais il y a d'abord... Non, mais le problème, c'est que ce n'est pas nous qui présentons les choses en bipolarité, c'est que les choses sont bipolaires. Moi, j'y peux rien, là. Il donne l'exemple du maire, le maire musulman. En France, on a dit c'est un musulman. Effectivement, c'est un maire. On pourrait, si la race n'existait pas, on se contenterait de dire c'est un maire. Il a été élu parce qu'il a, il veut réduire le... Il propose, j'ai lu tout à l'heure, un seul ticket au lieu de deux, au lieu de deux pour voyager à Londres. Enfin, je ne sais pas quoi, peu importe. On le jugerait par rapport à son programme. Quand on voit un noir passer dans la rue et qu'il porte une cravate rouge, on ne dit pas il y a un homme avec une cravate rouge qui est passé. On dit il y a un noir qui est passé. Je suis désolée. Donc la société, elle est bipolaire, elle est même plus que bipolaire. Je veux dire, encore une fois, si on compte toutes les catégories qu'il y a dans une société, elle est multipolaire. Mais en tout cas, cette bipolarité, elle existe réellement. Elle est, et en plus, il se trouve que j'essaie de la complexifier dans la mesure où, par exemple, je mets les Juifs à part parce que je pense que les Juifs ne sont pas réellement des Blancs. Et dans l'État-nation, ils ne sont pas Blancs. Donc, j'analyse de la manière la plus, j'espère en tout cas, de la plus précise possible ce qu'est la question raciale. Et on pourrait dire dans le « nous » des indigènes de la République. Il y a plein de « nous ». Le « nous » des arabo-musulmans, ce n'est pas le « nous » des Noirs, qui n'est pas le « nous » des Roms. On fait partie de la même catégorie au sens où on est des post-coloniaux, ou au sens où on subit le racisme d'État, mais on est différents puisque l'État ne nous traite pas de la même manière. Il ne traite pas les musulmans comme il traite les Noirs. Et même historiquement, même pendant le colonialisme, il n'a pas traité les subsahariens comme il a traité les Arabes, comme il a traité les Asiatiques. Et aujourd'hui, dans l'espace français, on ne nous traite pas de la même manière. Et donc, on pourrait, à l'intérieur du « nous » des post-coloniaux, envisager d'autres « nous ». Bon, donc évidemment que les choses ne sont jamais aussi simplistes qu'on les présente. Mais pour autant, on a quand même besoin d'avoir des outils d'analyse pour avancer. Et si demain, on dit « est-ce que c'est bipolarisé que de constater qu'il y a des bourgeois et des prolétaires ?» C'est marrant, hein ? Je suis sûre qu'il n'y a personne qui dit « Ah, mais c'est bipolaire !» Ben si, ben c'est bipolaire, c'est bipolaire. C'est bipolaire. Il y a des bourgeois, il y a des prolétaires. C'est bipolaire. Voilà. Et pourquoi il ne faudrait pas dire qu'il y a des Noirs et des Arabes et des Blancs ? Donc voilà, c'est... Donc c'est pas nous ! Non, mais ce que je veux dire, c'est que je reviens à l'idée première, c'est qu'en fait, on ne fait que constater une réalité, on ne l'invente pas. C'est tout, on ne l'invente pas. Elle existe, on la constate, voilà, on la vit, on est loin, oui, on est loin. Bah, c'est le blanc qui a inventé le blanc. Le blanc n'existait pas, enfin pour nous, il n'existait pas avant 1492, ce qui signifie qu'il n'a pas non plus de vocation à exister si le système qui le fait exister cesse d'exister. Voilà, c'est-à-dire que le blanc n'est pas obligé de rester blanc. Bon, alors oui, j'avais déjà répondu tout à l'heure. Ensuite, sur la question du féminisme, oui. C'est ce que je viens de dire. Donc, la question du féminisme, c'est... Ah oui, je disais effectivement, dans le livre, que ce que je trouvais troublant, c'était que les féministes dans les pays musulmans, étaient toutes les premières féministes étaient des hommes. Donc, je cite des hommes féministes, et je trouve ça curieux. Donc, je m'interroge sur pourquoi, sur ce phénomène un peu paradoxal, parce qu'on a du mal à penser qu'en France, les premiers décoloniaux seraient des Blancs. Donc il se trouve qu'en France, les premiers décoloniaux sont des indigènes. C'est eux qui portent d'abord le combat décolonial, et le combat décolonial produit des blancs décoloniaux. Mais l'inverse, je veux dire, des blancs spontanément ne décident pas d'abdiquer de leur privilège tout seul dans leur coin. Il faut d'abord une force politique, il faut d'abord une prise de conscience pour qu'ensuite créer des blancs décoloniaux. Eh bien, en France, c'est pareil. Le mouvement féministe, porté par des femmes, a produit des hommes féministes. Alors j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, mais c'est dans cet ordre-là que ça fonctionne. Dans les pays musulmans, et ça c'est, c'est une remarque, une analyse que je fais moi, que j'ai lue nulle part, alors je ne sais pas si ce que j'ai... Parfois j'avance des choses, parfois je ne sais même pas si c'est vrai. Bon là en tout cas, j'ai toujours été, je ne sais pas si c'est vrai. Mais là en l'occurrence, c'est vrai que je trouve curieux que les premières personnes considérées comme féministes dans le monde arabo-musulman, c'est tous des hommes. Je trouve ça extrêmement curieux. Eh bien, je l'analyse par le fait qu'effectivement, ils étaient fascinés par les normes du monde occidental. On était déjà dans le fait colonial. Et il s'agissait pour eux, de mon point de vue, de se hisser aux normes des Occidentaux qui n'étaient pas... L'Occident à cette époque-là, je veux dire, dans les années 1880, je sais pas quoi, ils étaient féministes comme moi, je suis la marquise de Pompadour. Mais simplement, ils se déclaraient féministes. Et il regardait le monde musulman comme étant extrêmement arriéré. Et donc la réaction des hommes, lettrés, les intellectuels de l'époque, qui voulaient se hisser aux normes, eh bien, regardaient leur monde comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes phénomènes aujourd'hui. Le regard de mépris qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, on est des arriérés, il faut qu'on devienne moderne, il faut qu'on comprenne la laïcité, il faut tatati tatata. Ben, j'ai l'impression que c'est exactement le même phénomène. Ils ont été féministes avant les féministes femmes, avant les femmes. Et ça, je trouve ça curieux. Et donc, c'est pour ça que ça me semble important de toujours rétablir les choses dans leur contexte. Et que ce féminisme-là, pour moi, il est extrêmement suspect. Voilà. C'est une manière de montrer patte blanche. C'est une manière de montrer patte blanche, comme toujours. Voilà. Il me semble, c'est mon analyse, encore une fois, on pourrait me contredire, mais moi, c'est le sentiment que j'ai. Alors, oui, j'ai compris. Alors d'abord, la première chose qu'il faut qu'on reconnaisse, c'est qu'on est déjà blanc. Ça, c'est, je le dis dans le livre, pour moi, c'est très clair qu'on est déjà blanc. Simplement, on est... Oui. On est blanc aux yeux de ceux du sud. Mais pour moi, d'abord, la question de l'intégration, avant la question de la dissolution culturelle, avant la question est-ce qu'on mange du porc, est-ce qu'on mange pas de porc, ce genre de choses. Est-ce qu'on se teint les cheveux en blond ou pas? Tous ces trucs-là, c'est des expressions d'intégration, mais ça vient bien après, pour moi, la définition première de l'intégration, qui est qu'on est intégré parce qu'on est complice du pillage. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de l'Europe, et que notre intégration, elle commence par là. C'est ça, notre statut d'intégré, c'est ça avant toute chose. Avant la culture, avant l'identité, avant tous ces trucs-là. C'est ça, d'abord, l'intégration. C'est ça, l'intégration. Avec ça, il y a toutes ces expressions de l'intégration. Se dissoudre en tant que culture. Bon, alors, est-ce qu'il faut poursuivre? Nous, on n'arrête pas de dire que non, qu'il faut nécessairement sauver nos cultures de la dissolution. D'accord? Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire sans les institutions qui vont avec, sans un projet politique qui va avec. C'est-à-dire qu'on va vers la dissolution. On y va. Et c'est impossible de croire que l'arabité, la berbérité, les cultures africaines, la créolité, l'islam ne vont pas s'intégrer si on ne fait rien. On va s'intégrer, on va se dissoudre. Ça, c'est clair. C'est le chemin, c'est ça que propose la République française, au bout du compte. C'est ça. Si on veut résister à ça, il faut un projet politique de résistance. Et cette résistance-là, on ne peut pas, par exemple, faire vivre une culture sous toutes ses formes, les arts culinaires, la musique, les chants, la danse, la langue, la théologie. Il n'y a rien qu'on peut préserver sans des institutions qui permettent la reproduction de cette culture. C'est impossible. Donc, on est loin, et on est très très loin du compte, à vrai dire. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire qu'on transforme, nous on le dit, on transforme la société française, en fait, c'est aussi elle qui s'intègre à nous. C'est sûr, c'est-à-dire que l'idée que la France n'est pas du tout influencée ou qu'elle ne se transforme pas au contact des indigènes, c'est évidemment un mythe. Bien sûr que la France se transforme, et bien sûr que les Français, les Blancs, deviennent noirs. Ils deviennent musulmans, ils deviennent arabes, ils deviennent berbères, ils deviennent tout ce que nous sommes. À un petit niveau, mais en tout cas, ils sont influencés par nous, parce que ça voudrait dire qu'on n'existe pas. Or, on existe. Et le fait d'exister, je veux dire, bon, une des expressions de l'existence des arabo-musulmans, c'est qu'il y a de plus en plus de mosquées en France. C'est une réalité qui n'existait pas il y a 40 ou 50 ans. Donc ça, on transforme la France. Bon, mais c'est parce que... Alors ça, c'est une réalité, tout à fait. Donc on transforme la France, ça prouve qu'on existe. Et je trouve que c'est tout à fait normal. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mon but, ce n'est pas de dire « il faut transformer la France », ce n'est pas ça. Je dis « on transforme la France », c'est un fait. Et c'est partout dans le monde, c'est comme ça. Voilà, on transforme. Bon, ça, c'est un fait qu'il faut prendre en compte. Mais il n'en reste pas moins que cette transformation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une hégémonie de la culture européenne et que les rapports de force sont complètement pas du tout égalitaires. Et donc, quoi qu'il en soit, en réalité, on finit par se dissoudre. En tout cas, j'ai ce sentiment-là. Bon, maintenant, ça va dépendre beaucoup de notre capacité à résister. Je ne sais pas. La résistance culturelle, pour moi, c'est d'abord une résistance politique. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une résistance politique. Et j'ajoute qu'il faut même l'étendre à d'autres formes de résistance culturelle. Parce qu'en France, il y a aussi des régions qui ont été écrasées par l'État-nation français. je ne sais pas comment, ce qui se passe en, ici en Belgique, mais en France, il y a beaucoup de cultures qui ont été écrasées par l'État-nation. Et il y a, ici et là, en Alsace, dans le Pays Basque, en Bretagne, il reste encore des résistances. Il y a encore des peuples qui se considèrent encore comme des groupes qui se considèrent encore comme bretons et qui voudraient faire vivre la langue bretonne. Ça, pour moi, c'est tout à fait... Ça fonctionne complètement avec un projet décolonial. Ah, l'internationalisme domestique, pardon. Non, j'ai pas répondu. Et du coup, l'internationalisme domestique... T'as raison de dire qu'on n'a pas donné des exemples de ce que ça pourrait être en réalité. Ben moi, j'ai un exemple. Hein. Nuit debout. Alors, l'internationalisme, c'est la solidarité avec les luttes du tiers-monde. Qu'est-ce que ça signifie dans le cadre de l'État-nation français ? C'est que si on constate l'existence de ce groupe minoritaire que sont les indigènes, ce qu'on dit à la gauche française, c'est de développer une solidarité avec ce groupe-là. Et avec, Nuit Debout, par exemple, il y a une grande question, où sont les quartiers ? Eh bien, ils n'y sont pas, évidemment, parce que Nuit Debout est un mouvement blanc. Et s'il y a des indigènes, c'est vrai, ils sont vraiment marginaux, puisque ce qui est le moteur de Nuit Debout, c'est notamment la loi El Khomri, qui menace les classes moyennes blanches. D'accord ? Et donc, ça, c'est ce qui les met en mouvement, et c'est ce qui explique l'existence. Mais en même temps, ils cherchent eux aussi des alliés. Ils pensent qu'il faut être beaucoup plus nombreux, et donc ils aimeraient pouvoir bénéficier de nouveaux effectifs. Je dirais plutôt, dans leur sens, des supplétifs, qui viendraient les aider, qui viendraient aider cette lutte-là. Nous avons réagi en disant qu'on ne rejoindrait pas Nuit Debout. Hors de question pour nous d'aller aider les classes moyennes à ne pas dégringoler, dans la mesure où l'état actuel des quartiers populaires en France, ils sont déjà au plus bas de l'échelle sociale, et que la situation sur laquelle ils se projettent, c'est-à-dire leur dégringolade, c'est déjà l'état des quartiers depuis 30 ans. Et donc, ce qu'on pourrait appeler un internationalisme domestique, c'est que c'est à eux de venir sur le terrain des indigènes, et à ce moment-là, ça aurait du sens. C'est-à-dire à intégrer les revendications principales des mouvements issus de l'immigration ou des quartiers, c'est-à-dire poser la question de l'état d'urgence, poser la question de l'islamophobie, poser la question des crimes policiers, poser la question tout ce qui émane des quartiers depuis 30 ans. Voilà. Quand ça deviendra une question, pas secondaire en tout cas chez eux, et qu'ils montreront qu'ils sont en capacité de venir sur notre terrain, eh bien à ce moment-là, on appellera ça un internationalisme domestique. Mais le contraire ne se fera pas. En tout cas, de notre fait à nous, il n'aura pas lieu. Nous, on n'ira pas les rejoindre. En revanche, on voit ça d'un très bon œil. On est, en tout cas, en ce qui nous concerne, extrêmement bienveillant dans la mesure où on pense que tout ce qui déstabilise la politique du gouvernement français aujourd'hui par la gauche est extrêmement bénéfique. Donc, pour nous, ça, c'est bon. Tout ce qui remet en cause les fondements de la social-démocratie. Pour nous, c'est extrêmement bon. Mais notre condition... Et je le dis dans mon livre, Le paradis pour tous ou l'enfer pour tous. Ce qu'on nous a demandé pendant 30 ou 40 ans, de voter, de voter moins pire, c'est ça, hein, ou de voter utile, on ne le fera plus. En tout cas, politiquement, il y a un groupe qui s'appelle les indigènes de la République qui le dit haut et fort, ça, on ne le fera plus. C'est soit le sacrifice de tous, soit la libération de tous. Mais il n'y a pas nous, comme cinquième roue du carrosse, pour aller sauver les classes moyennes blanches. Hors de question. Donc on est bien dans une exigence contraire à celle-ci, qui est celle de l'internationalisme domestique. C'est à eux de faire les efforts et pas à nous. Tout le monde parle en même temps, donc je n'entends pas. Alors franchement, j'avoue, on propose des directions, mais ça ne veut pas dire qu'on a réfléchi à toutes ces questions. Non mais c'est vrai, faut être honnête. On pense, la question d'abord de la critique de l'État-nation, elle n'est absolument pas nouvelle, c'est pas nous qui la faisons, elle est très ancienne. Nous, on poursuit cette critique. Par quoi il faut le remplacer ? Mais nous, on ne sait pas. C'est ça. Mais en tout cas, on veut le remplacer, peu importe le système qu'on va mettre en place, on veut le remplacer par un système juste. Bon, un système juste, c'est un système qui ne discrimine pas les populations. Un système juste, c'est un système qui ne vit pas sur l'exploitation et le pillage des pays du Sud, qui ne fait pas la guerre, qui ne vend pas des armes, etc. C'est ça. Pour nous, un système juste, on sait ce qu'on veut. Mais quelles sont les institutions, quelles sont les formes de l'État? Est-ce qu'il faut un État, est-ce qu'il ne faut pas des États? Oh là là, on ne sait pas. Honnêtement, hein, on n'en est pas là. Moi, je voudrais quand même réinsister, même si tu l'as très bien répondu, sur la question de la polarisation, bipolarisation, multipolarisation, sur le fait d'assumer en fait à un moment une certaine forme d'identité, comme des groupes féministes l'ont fait à un moment, en dire ok, ben nous, en tant que femmes ou en tant que non-hommes, qui ne regroupaient pas que des femmes. Et moi, j'ai l'impression que c'est en fait chaque fois la panique quand une situation politique est nommée ou assumée par ceux qui la subissent plutôt que par ceux qui la imposent. Et que voilà, ça pose à personne, ou en tout cas à pas grand monde, qui jouit de ces privilèges-là, de parler des femmes, de parler des immigrés. À partir du moment où ceux qui subissent cette situation la politisent, l'assument et la nomment, ça fait paniquer. Et moi, je vois beaucoup ça pour le moment, donc dans la gauche, mais aussi des groupes anarchistes qui ne se considèrent pas de gauche, mais qui... je crois, transmettre un certain atavisme qui est peut-être issu du marxisme ou d'une mauvaise assimilation, mauvaise métabolisation du marxisme, qui est la prédominance, comme tu disais, de la question de classe, et que je crois qu'il y a beaucoup de groupes qui réagissent très virulemment et qui vous traitent de racialistes, à l'endroit où eux sont directement remis en cause, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils peuvent se dire que le front principal, c'est la lutte de classe, eux, comme exploités, ou en tout cas comme subissant la situation de classe, peuvent jouir aussi du statut de victime. À partir du moment où ces groupes, qui sont quand même massivement blancs, se retrouvent renvoyés en fait comme blancs, dans une catégorie, si pas directement comme les vainqueurs, en tout cas comme bénéficiant des privilèges des vainqueurs, ça les fait paniquer, et ce qui fait après le chantage de demander par exemple une position politique comme celle des indigènes de la République, oui mais êtes-vous avant tout aussi anticapitaliste, oui mais êtes-vous avant tout aussi contre l'État? Et moi, ma question, alors, elle rejoint un peu la question quant à la proposition politique, la question de savoir qu'est-ce qu'il en est, de quel type d'institution, à quel type d'institution vous pensez, à la question de l'État et tout ça, mais sur un plan peut-être plus moins institutionnel, moins politiquement visible, c'est une question que je retrouve dans ton utilisation du système immunitaire. Et tu parles du système immunitaire blanc ou du système immunitaire indigène, depuis des processus qui discriminent entre ce qu'est le soi, le non-soi, et qui éliminent le non-soi. Et je voudrais reprendre cette métaphore en proposant, comme c'est souvent le cas aussi, les grandes métamorphoses au sein justement des recherches scientifiques ou de la manière qu'ont des scientifiques d'aborder ces questions-là. Et ça a existé, je pense, au travers de l'histoire, mais aussi récemment. Il y a une approche du système immunitaire qui n'est pas, qui est moins un dispositif de filtre entre ce qu'elle soit et le non-soi, l'élimination du non-soi, mais plutôt comme un ensemble de processus multiples qui se rapprocherait plus du dialogue, de la négociation, ou on pourrait dire de la diplomatie. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un enjeu à articuler ces deux affirmations-là, c'est-à-dire assumer les catégories et comment elles nous traversent et comment elles nous agissent, et penser la question de la communication, de l'articulation ou de comment des systèmes immunitaires, ce qui constituerait le soi et le non-soi, n'est peut-être pas aussi facilement délimitable. Ce qui n'est pas un appel au mariage mixte et des choses comme ça, mais plutôt sur un plan politique et peut-être philosophique, la question du type de lien, du type d'alliance et comment en fait un organisme ne parvient pas toujours aussi facilement à se distinguer de son environnement et cette certaine porosité. Est-ce que ça peut éventuellement nous amener à inventer et à imaginer comme, voilà, comme, comme relation entre, sur le front décolonial, entre voilà, des indigènes, des blancs. Ouais. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas compris le système immunitaire blanc comme ça. J'ai compris le système immunitaire blanc comme un système immunitaire contre ce qui voudrait lui faire du mal au pouvoir blanc. Donc faire un truc compatible entre un système, entre deux systèmes immunitaires contraires, je vois pas trop comment faire. Enfin, si c'est ça la question. Pas s'il y a une dernière question, on va encore prendre s'il y a un candidat pour une dernière question. Bah, moi, je pense que c'est déjà le cas. Il y a combien d'arabo-musulmans qui vont se mobiliser contre la guerre au Mali ? Ils s'en foutent complètement. Ben voilà. Donc on s'en fout déjà. C'est-à-dire qu'en fait, notre anti-impérialisme, il existe. On a le cœur anti-impérialiste, globalement. Beaucoup plus que les Blancs. Les Blancs, c'est un peu plus compliqué, sauf ceux qui sont révolutionnaires. Enfin, globalement, nous, sans être politisés, globalement, on a une sensibilité plus anti-impérialiste. Mais c'est presque un anti... Oui, bah, vous pensez au Congo, moi je pense au Mali, mais enfin voilà, la France est allée faire la guerre au Mali. Bon. Bah, voilà, le Congo, c'est des centaines de millions de morts. Tout le monde s'en fout. D'accord ? Donc on a un anti-impérialisme très sélectif. Bon. À l'intérieur, en France, on ne peut pas dire qu'il y a une spontanéité pour les arabo-musulmans qui déjà veulent se situer, en tout cas au-dessus des Roms, d'aller se solidariser avec les Roms. On voit que des gauchistes avec les Roms. Et je suis sûre qu'ici, c'est pareil. Enfin, je ne sais pas s'il y a des Roms, enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. La relation noire-arabe, c'est pareil. Et je dirais même qu'elle peut être conflictuelle. Et je ne parle pas, et si on rentre dans les détails, je ne parle même pas... des hommes arabes qui n'aiment pas que les filles arabes aillent avec des noirs. Parce qu'ils se sentent humiliés. Comment une fille arabe, elle va avec plus bas que moi ? Voilà. Ce genre de truc, c'est à la fois grave, mais c'est compréhensible quand on comprend que le monde il est structuré hiérarchiquement. Si tu es un arabe et que tu es au-dessus des noirs, bah, tu es content d'être au-dessus des noirs. Mais cette hiérarchisation, elle est chez les noirs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es un antillais bien blanc de peau, tu ne veux pas être assimilé à un malien. Voilà. Donc la question, ce n'est même pas de jeter l'anathème sur les uns et les autres, dire qu'on est des salauds ou je ne sais pas quoi. Il y a un système. Il y a un système. Voilà. Et on doit faire avec. Et ce n'est pas facile de faire avec, et ce n'est pas facile de créer des convergences. Et j'ajoute que ce n'est pas du tout, c'est encore moins facile de créer des convergences, dans la mesure où les élites françaises, par exemple, dans les discours hégémoniques, qu'est-ce qu'on entend ? On entend beaucoup émerger le fait que les Arabes aussi ont participé à la traite négrière. Et donc, tu as une focalisation du monde noir sur la traite des Arabes. Ce genre de choses qu'on peut parfaitement assumer, je veux dire qu'on peut parfaitement raconter, je veux dire, on peut expliquer, mais sauf que nous qui avons une grille d'analyse sur la modernité occidentale, on sait que c'est la traite négrière qui est fondamentale dans la formation du capitalisme et que toutes les autres formes d'esclavage, elles ont existé, elles existent, on peut en parler, etc., mais qu'on ne peut pas les mettre dans l'affiliation de la traite négrière et que c'est un fait tout à fait spécifique. Il n'en reste pas moins que ça marche. Voilà, ça marche. Et je ne parle pas de toutes ces organisations qui font alliance avec une partie des... Par exemple, il y a des associations noires qui créent des relations judéo-noires. Voilà. Pour empêcher les Noirs de rejoindre le combat de la Palestine. Enfin, que des trucs comme ça. Je veux dire, on n'est pas sortis de l'auberge, en vérité. On n'est pas sortis de l'auberge. Et évidemment, il y a de toute façon un travail chez nous à faire qui on combat. Avec qui, avec quel pôle on doit consolider en matière d'alliance politique, celui avec tous les post-colonisés, c'est-à-dire les Noirs, les Roms, etc. Les Noirs entre eux, c'est pas facile non plus. C'est une galère. Chez nous, on va avoir toutes les histoires, celui-là c'est un athée, celui-là il est musulman, celui-là il est pratiquant, celui-là pas pratiquant, elle porte le voile, elle porte pas le voile. Enfin, je veux dire, des trucs, lui est berbère, il est pas berbère, enfin, des trucs de ouf. La montée des sentiments anti-chiites, on se demande pourquoi, d'où ça nous vient. Pourquoi tout d'un coup, alors qu'on n'a jamais entendu parler de la question des chiites, tout d'un coup, il y a un sentiment chez les musulmans anti-chiites ? D'où ça vient, ça ? Ça, c'est... Je ne sais même pas comment appeler ça. C'est un chantier énorme. Je vous remercie. On va conclure sans vouloir vous chasser. Mais moi, je voudrais juste ajouter un petit mot, un tout petit mot pour répondre à l'homme au chapeau qui n'est pas là. Je comprends un peu, qu'il n'est plus là, il me semble. Je peux comprendre son état d'esprit. Moi, je n'ai pas découvert le concept d'indigénat il y a longtemps. Je suis, si on faisait une liste de certains critères, je suis un modèle d'intégration, que ce soit par mes fréquentations, par ma maîtrise de la langue, en comparant par rapport à mon père, hein, qui lui était illettré, ne parlait pas la langue, était ouvrier. J'ai passé tous les plafonds, sans vouloir me vanter, mais je suis un peu plus haut que mon père sur tous les critères. La plupart de mes fréquentations sont blanches, je suis parfaitement intégré culturellement. Mais ça ne suffit pas. Et ce n'est pas nous qui le décidons, ça. Et je l'ai vu comment ? Je l'ai vu concrètement avec mes enfants. Je suis complètement différent de mon père. J'ai d'autres moyens que mon père pour affronter les difficultés qu'on peut avoir comme immigré d'apparence dans ce pays. Mais ça n'a rien changé. Mes enfants sont traités comme moi, j'étais traité il y a 30 ans. Ça n'a pas bougé d'un poil. Donc ça, c'était pour lui répondre. Parce que je sais qu'indigénat, dans le dictionnaire, l'indigène, c'est celui qui vient du lieu où il est, etc. Mais il faut accepter que les gens aient des concepts, des manières de penser, qui définissent les choses et les prendre comme telles. Et pas décider qu'indigène, c'est comme dans le Larousse et c'est comme ça pour tout le monde et en permanence. Pour finir, je voudrais finir par une réjouissance, c'est que j'entends que Stengers, je ne sais pas si c'est dans le cadre de l'ULB ou pas, mais à Paris, donc ce ne sera pas l'ULB, mais Stengers fait aussi bien que Berkeley en invitant donc Ouria Boutelja pour une discussion ou une conférence ou que sais-je. Je vous remercie tous pour votre présence et à bientôt. Ah, et le bouquin, évidemment, est en vente ici, pour ceux qui le souhaitent, et je le leur conseille, vivement. Merci Mohad, merci à Houria, et il y a un stand de librairie, le livre est disponible.